On est bien, c'est Lionel sur Energy, je vous souhaite la bienvenue. Ladies and gentlemen. Les Energy Music Awards 2013. Mais ça n'est pas fini, journée continue, Energy Music Awards 2013, matin Manu dans le 6-9. Cet après-midi, vous et les stars, ce soir 19h, la montée des marches sur le tapis rouge, sur le red carpet. 20h50, la cérémonie sur Energy et TF1. Et il y a mon Facebook qui explose, hein, Lionel Energy. Vous likez, vous lâchez vos messages. Il y a Sylvain qui me dit, Lionel, je t'ai écouté, je t'ai senti troublé devant Alicia Keys. Oui, Sylvain, c'est le mot, troublé. Mais attends, en même temps, regard d'ange, les cheveux courts, le collant serré, voilà, elle avait le style. En plus, il y a toute la famille qui est venue. Il y a son fils Égypte, il y a son mari qui est là, donc je pouvais pas en même temps trop là, tu vois, lui faire du charme à Alicia Keys, puisqu'il y a son mec qui était à côté. Voilà, donc toute la famille sera là ce soir pour la grande cérémonie. Gabriel qui dit merci Énergie de nous faire partager tout ça. De rien Gabriel, on vous fait partager tout ça parce que vous n'êtes pas à Cannes forcément, vous êtes dans toute la France, vous nous écoutez et ça fait plaisir. Gabriel, elle est infirmière, elle nous écoute à la Timone à Marseille et Énergie à Marseille sur 106.4. Bah, restez avec nous dans toute la France, restez avec nous devant le yacht Énergie. Il y a Youssoupha qui arrive dans quelques minutes, le temps d'écouter Big Ali à la section d'assaut. À tout de suite. Vos superstars préférés seront toutes à Cannes ce soir pour les Energy Music Awards. Vous avez voté pour élire les artistes nominés. Vous avez voté pour élire les vainqueurs. Let's get the party started. Suivez la plus grande cérémonie musicale européenne sur TF1 et en simultané sur Energy. Let's go, go, go. Métro, quotidien officiel des Energy Music Awards 2013. C'est Lionel sur Energy, j'espère que vous allez bien. Les Energy Music Awards 2013. Ils vont très très bien, on est à H-4 avant les Energy Music Awards 2013, le grand direct ce soir, le grand show 20h50 sur Energy et TF1. Alors il se passe plein de choses ici à Cannes, hein. Déjà le soleil, le ciel bleu, les stars, la croisette pas très loin, et les auditeurs d'Energy qui sont en délire devant le yacht Energy à Biscioting dans le port de Cannes. Alors moi ce que j'ai envie de faire cet après-midi, c'est déjà récompenser tous ceux qui sont restés des heures, voilà. Ils sont restés des heures depuis ce matin 9h qu'on a pris l'antenne avec Manu dans le 6-9. Donc je vais vous récompenser, vous qui êtes devant le yacht. Je vais envoyer Stéphane d'Energy Marseille, Julien d'Energy Côte d'Azur. Et on va vous offrir les compilations Energy Music Awards 2013. Voilà, ça c'est cadeau pour ceux qui sont ici à Cannes. Pour vous qui êtes aux quatre coins de la France, j'offre aussi des compiles. Voilà, c'est parti. Il y en a qui m'envoient des messages par SMS et sur Facebook, Lionel Energy. Il y a Patrick qui est à Sartrouville dans les Yvelines. Il y en a qui bossent en écoutant cette soirée officielle et cet après-midi officiel d'Energy Music Awards. Patrick sur un chantier d'immeuble à Sartrouville. Sabrina qui est coiffeuse dans un salon à Pithiviers. Salut Sabrina. Pithiviers, c'est dans le 45. Il y a Elodie qui prépare sa soirée. Elle est à Strasbourg. Dans toute la France, vous nous écoutez. Ça me fait plaisir de savoir comme ça. Vous êtes au boulot, vous êtes à la maison, préparez la soirée d'Energy Music Awards avec les copains, avec les copines. On va vivre une grande cérémonie. Donc la compilation des Energy Music Awards 2013 part chez vous. Dans un instant, on va recevoir Youssoupha. Il y a les toutes dernières invites à gagner pour les Energy Music Awards 2013. Donc il y a encore des places à choper pour la cérémonie. Et puis il y a les meilleurs hits à écouter. On va se faire Bruno Mars et Pink sur Energy. Restez avec nous.